de Silo Hind à Brezonnec. C'est l'heure de retrouver Hind à Brezonnec. Interbrezonnec, Kentel, Pemkan, No, à Trégonde, 539. Oui, voilà. C'est ça, Henri? C'est ça. Ça va bien? Oui, ma tri. Bon. Ma tri. On commence par Guerriou Arvué. Aujourd'hui, oui, j'ai pensé traiter le mot Pasque, puisque c'est d'actualité, et puis qu'on n'avait pas encore parlé de ce mot-là. Donc Pasque, hein, qui veut dire Pâques. Alors, en français, il y a un accent circonflexe, mais en breton, le S est resté, comme souvent. Voilà. Alors au départ, c'est une fête judaïque, hein, qui célébrait la fuite des Juifs de l'Égypte vers la terre promise, hein, sous la conduite de Moïse. Hein. Il y a des célèbres péplums là-dessus. Hein. On voit le passage de la mer par les Juifs suivant Moïse, là, hein, les 10 commandements. Voilà. Et le mot hébreu passali, d'ailleurs, veut dire passage. Hein. Très mal en breton. Alors le christianisme a adopté cette fête et ses symboles, par exemple le symbole de l'agneau, hein, un oran en breton, l'agneau pascal, et le mot hébreu a donné le mot latin et le nom de Pâques dans toutes les langues des pays chrétiens en Europe. Et Pâques est une fête mobile, donc qui tombe le premier dimanche avant la pleine lune de l'équinoxe de printemps. Ah oui, mais ça comme ça c'est beaucoup plus clair. Oui, c'est clair. Hein. Ouais. Donc, alors cette fête étant mobile, elle entraîne évidemment la mobilité de toutes les fêtes qui sont liées à Pâques, donc du calendrier chrétien. Alors, il y a pas mal d'expressions là-dessus, par exemple, oberi basque ou oberi basku, c'est faire ses Pâques, c'est-à-dire communier au moins une fois par an. Et le dernier délai pour le faire, c'est le dimanche de Quasimodo, qui s'appelle plus comme ça maintenant, hein, mais qui est le dimanche suivant Pâques. Hein. Ça vient de l'introïte en latin, Quasimodo geniti infantes, de la même façon que des petits-enfants qui sont nouveau-nés. Quoi. Voilà. Donc, à Quasimodo, j'aime bien ce nom-là, parce que c'était le pardon de Saint-Antoine à Pemrit, ici, autrefois. Il y a toujours une messe, d'ailleurs, pour la Quasimodo à Pemrit. Et bon, il y a beaucoup de proverbes qui parlent de, par exemple, on dit de Zule Quasimodo, vetor de hospodu. À Quasimodo, on casse les vieux pots. Il y avait des traditions dans pas mal d'endroits où on cassait les pots déjà un peu ébréchés, on les achevait. Il y avait des fêtes plus ou moins. Il y a une fontaine Saint-Antoine ici. Hein. Il y a une fontaine Saint-Antoine, oui, dans le bas, là-bas, entre Pemrit et Col des Vins. Et où on se rendait d'ailleurs en procession le jour de Quasimodo. Voilà. Et on disait qu'à Quasimodo, ben, chacun a fait ses Pâques. Hein. Benzul Quasimodo, en pépine, vegré di basco. Voilà. Alors, cette mobilité, comme je l'ai dit, entraîne la mobilité des autres fêtes. Alors, il y a Meurselart, par exemple, le Mardi Gras, qu'on dit aussi Malargé. Hein. C'est le carnaval, hein, les grottes d'Ouarnenez, par exemple. Hein. Voilà. Mère Ludu, le mercredi des cendres. Ensuite, Zul Blagnou. Nous, on escamotait un peu ici, on disait Zul Layou. Donc, le dimanche des rameaux, hein, qui précède Pâques. Ensuite, on entre dans la Semaine Sainte. Hein. Yo Gamblit, c'est le jeudi saint. Gwenaregroise, le vendredi saint. Zaden Vasque. Alors, Zul Vasque. Là, il y a une mutation, hein, qui est pas courante, une mutation du P en F, hein, Zul Vasque. Voilà. Alors lune Vasque aussi. Hein, le lendemain, c'est le lundi de Pâques. Il y avait autrefois à Croix-Stassette une grande fête. Et bon, ça n'existe plus depuis les années 50, mais on en continue à en parler. Hein, les gens qui ont connu cette époque-là, lune Vasque à Croix-Stassette. Voilà. Alors ensuite, comme je l'ai dit déjà, Zul Quasimodo. Et alors, une particularité, c'est que Yahou Basque, ce n'est pas le jeudi de Pâques, c'est le jeudi de l'Ascension. On a vu que le jeudi de Pâques, c'est Yahou Gamblit, et Yahou Basque, c'est le jeudi de l'Ascension, 40 jours après Pâques. Et enfin, 50 jours après Pâques, il y a la Pentecôte. D'ailleurs, il y a la Pentecôte. Alors, il y a un proverbe qui parle aussi de Pâques et de Quasimodo, parce que, quelle que soit l'année, l'une des deux fêtes se trouve au mois d'avril. Pâques d'Ost, Pâques belle, Pâques vaut en hébreu, Pâques en hébreu le vaut, puis roi de Quasimodo. Donc, Quasimodo ou Pâques se trouve au moins l'une d'entre elles en avril. Voilà. D'autres. Alors, sur Malarge et tout le Nord, Pâques Talentand. Mardi Gras à la porte, hein, c'est-à-dire sur le devant de la maison, hein, donc à l'extérieur, et Pâques en face du feu, quoi. C'est. Noël au balcon. Oui, c'est un peu la même histoire que Noël au balcon, pas cotisant. Voilà. Et pour terminer, Trépas à Pentecôte, V6-1, Penalost. Entre Pâques et la Pentecôte, il y a 7 semaines, Penalost, c'est-à-dire entière. Voilà, donc 50 jours. Bon. Voilà, ben, voilà un peu de quelques réflexions. Alors, j'ai pas parlé des œufs de Pâques, hein, c'est une tradition aussi, hein. Monteglasque, eut au Pâques, aller chercher ses œufs de Pâques. C'était très important autrefois. Et ça l'est resté à Pemrite, oui. Et très Margat. Et ça l'est resté à Pemrite et très Margat. Puisque Talendur organise une sortie pour les œufs de Pâques pour les enfants. Voilà, mais c'est plus les mêmes œufs. Et dans ce Braison Nectan Matan, c'est Job Nedelec qui est interviewé par Chanik, c'est ça Henri? Oui, voilà. Alors rappelle-nous, Job Nedelec, il s'occupe de plein de choses parce qu'il est, oui, il est instituteur en retraite. C'est l'ancien instituteur qui est en retraite et qui s'occupe d'une association qui s'appelle Blue New Zontolog. Qui est à Zontolog. Qui est à Zontolog et qui fait pas mal de choses. Ça fait un moment que ça existe. Hein. Oui, ça fait une quinzaine d'années maintenant. Voilà. Et donc, là, il s'agit d'une promenade, d'une balade, hein, qui est organisée pour les gens, quoi, qui veulent visiter un peu le pays, quoi. Chanik, salut Job. Clévet de Meuse et Vaugrette Prestique, Arvalet Aden, Bazan Tolek, Guré. Ya, Chanik, Bendesaden, Vaugrette, Rose des Bêtes, Gamblen, Yuzan Tolek, Agantut, Bugale, Eskol. À Petra Vaugrette, Nehé. De Diantan, Arvalet Aden, Trodro, de Zantolek. Ou à l'air Christé, hein, ou à Rolé Hunter. Les Hunter. Ya, ou à Kilomène, ma Peswane. Valéadens, Gasso en Dut, ou à Gwenogen, ou à Barus. Aba, Milin Kervakal, et vous voyez, d'Oban, à Révitor, Isère, en Dut. Valer Valeaden, von Tom Brezegen, quand il y en a du, une autre personne, ni voir un chapeau, la guistor, revro, à Valerzé, vous voyez, de bon. Ross? Ya, mais des voix jouent scan, des voix jouent hébalcool, des voix jouent vresse, puis au bonheur café. A goudézé, un du de halochom de zibi war blassen, bouet de zevro, et vel juste. A goudé quand, vos onadok, ba chapel zan, zan dernin, pe larin mod, ya, gant zon erien, gant erien de zevro. A ger chapel vos tomet, a givé des chuvis, vos grêlons de tomfez nos, ma vebra an amzer. Ma tré job, chance va tort gant an amzer. Voilà. Et voilà, on reprend phrase à phrase ce dialogue. Je ne suis pas persuadée, Henri, qu'on ait exactement le même texte, mais ce n'est pas grave, on va s'en sortir. Mais c'est une photocopieuse facétieuse. C'est ça, c'est Henri qui recopie. Jamais la même chose sur nos deux feuilles. C'est ça qui est formidable. Salut, Job. Clé, vêtements, se vogrette, presti, car valet aden, basantole. Guiré. Oui, alors bonjour, Job. J'ai entendu qu'il y aura bientôt une promenade à Zantole. Est-ce que c'est vrai, Guiré? Ya, Chanik. Mais dis ça dans nos tons et vogrette. Oui, samedi qui vient. A vous aider gant Bleunius en Tolek, à gant Tud Bugaler School. Voilà, alors c'est fait par, c'est organisé par Bleunius en Tolek, hein, donc qui est l'association de Jom Nedeleg là, dont Jom Nedeleg est le président, et par les parents d'élèves de l'école. Petra Vogret, Nering. Et qu'est-ce qui sera fait donc, Petra Vogret, hein, qu'est-ce qui sera fait alors? Da gentor valet aden trodro de Zantolek, trodro de Zantolek. Oui, d'abord une promenade autour de Zantolek. De derer war l'air crejté. À 3h de l'après-midi. War léanteur. Sur une lieue et demie. Léanteur. Oui, alors elle s'étonne de l'emploi de cette mesure. Ya, roer kilomètre, ma peut se rendre. Oui, 6 kilomètres, si vous préférez. Alors, valet adenze, à gazo en dut, war gueno geno avro. Oui, cette promenade hein, emmènera les gens sur les chemins du, de la paroisse, enfin, j'allais dire de la paroisse de la commune, hein. C'est le même mot en breton, urbarus, hein. War gueno geno urbarus. Ah bah, Milin Karma Margal et vos hevet, ur bornor, vit terrisere dans dut. Et ah, bah, Milin Kermakal, donc au moulin de Kermakal, hein, dont on parle souvent d'ailleurs, hein, on boira un coup, et vos éveux de brandard, un coup sera bu, c'est une forme passive, hein, voilà, pour casser la soif des gens. Voir l'air en valet d'Aden et vos entames brésiliennes, on y en a dû. Après la promenade, il y aura une petite conférence, hein, une petite causerie par Iwan Lundu. Un autre personne. Donc le recteur de la paroisse. Diwarben, à chapelle, à Guistor-Avrou. Au sujet, hein, Diwarben, au sujet de la chapelle et de l'histoire du pays. À Walerse et vos Évédorbois. Et après ça, on boira un coup. Roas. Alors elle s'étonne, Roas, encore. Ya, mais elle va jusqu'en, et pas alcool. Voilà, oui, mais des boissons légères, sans alcool. Et va jouer fresque. Voilà. Père bonheur café, père bord café. Voilà, des boissons fraîches ou un peu de café, quoi. A goudézé, on dû d'arrelo, chom, d'un zibi, war en dachen. Et ensuite, les gens pourront rester manger sur place. Bouette de Zervro, ville juste. Voilà, de la nourriture du pays, bien sûr. Bouette de Zervro. À goût des coins, et voir son adec, bah, chapelle zanterne, quand on rien, à son rien de Zervro. Et après, donc, après le dîner, il y aura un concert dans la chapelle Saint-Ernin. C'est la chapelle de Zanto, là, avec des sonneurs et des chanteurs du pays. Ar chapelle à vos tomates. Et la chapelle sera chauffée. Oui, parce que l'autre fois, ils avaient eu un petit peu froid, les gens. A Gévit et Chuy, et vos grès, dans temps fesnose, m'avait bravo à l'amzer. Oui, et pour terminer, on fera un petit fesnose s'il fait beau. Matri, job, chance va d'or, gant en amzer. Oui, bonne chance avec le temps. Petra Zonévé-Avron, troisième et dernière partie de cette émission La Gazette d'Henri Le Naou. Éric Petra Zonévé-Avron. Ben, quand je drôle aux Zonévé-Avron, ils veulent juste boire vé, je dis aux gens. Croix-gombe de Tientan, ils veulent qu'ils accustent, qu'on a vu et voir armés à Gueulard-Bourdouard. Et Ruyon Bréman, ben, misé ébrel. Tramène d'ailleurs Gouancalt, à Hiradarandi, à Clouard-Alra-Namzor. À Gueclé, il y avait Calze Bleu, Niouzo, Liorzou, Awar Armès. À Clé, il y avait Neune d'Ocande. Après, c'était Glace, quand il y a l'air de Boronais. Vision Montant, voir l'Arbourdouar, Tom à Tom, il y a l'Arbourdouar Bio, Warog, Brovrance. D'Asquir, un imbrigues Fleury Michon. Fleury Michon, Rassaucisson, Tralalère. Implige permis le dude, hein, Nistaliou, Agnes Divise, Monde vraiment Warhend, Higmore Bio. A Beta vraiment, oui, j'ai pris une grande Higmore Bio, bah, Bro Danemark. A vraiment, dans une jonge de Brain aux morts, arbres de Brovrance. Voilà, étant ma tombe, un trop Warog, Wavi de l'arbre d'Ouar Bio. Bon. Ne ce que quoi le belzo, vision moi là pour doua, ou ba fine mismeurs, puis la rimote, ou ba brest, emvo dans l'FNSEA. Ag, bonne une combe de calz, blanc, de ze pack, de ze bro Europa, de ze pack. Politiquer, es bro Europa, et vide là pour doua. Vider blas, ou de zone, puis yon, mon yon de change, on tombe, heur pack. Ag sclairé n'est que d'un FNSEA dû de leur Frexit de la radé ton mes de te fait mes Brovrance de zone Europe qu'a laboré yon duar ou armad pegen bouizé zikour yo bro Europa et vide Oeran. C'est tu n'est que jonge de chom de zone mes de ce bro Europa raison de n'y point de. Bon, je vis dans un temps où il y a un endro, d'un do war nugen de ze mismeurs, wa deves un dour war arbet, galak journée mondiale de l'eau. Ag, pemla war nugen zo wa bekrou et zeg en un onu, et vis la candute de jonge à l'on temps, bah, kuden ou un dour, puis dur zevo, au nom de skuden ou evras en nouveau, bah, nambzor de zone. Puis dur ne ce que maîtris très grande de zendour, ou arbé, de zendour douce, à gueur peur, de zendour zal. C'est tu red diwal de zendour douce, à gueur bon, get bepla, deve zendour, mais blanc ne ce que bécal, de drouz, quand c'est, puis dur, de zotrouz, quand troel, provrance. Jusma, d'ouardache et leur politique eres. À on arves fin tisoir et gwel pis sa mode man non zi bitou de trade gan af franz enfin gwel vous hein war on exocas mon noir drone nagobert gwel vous pis sa hini et war un drone vite chon mon temps bavro hein me war dash en leur politique eres Jean-Pierre Leneuil ne zo laboureur douar bacarnoet ne zlard vo war un ring vide votad gan député yet. Grand Christian Troidec, hein, grand Strolan, oui, la Bretagne. Jean-Pierre Leneuil, il là, Rindar, au labour d'Ouar, bah, Carnot, en arve, maintenant, puis, ouais, Scoliad, bah, Carnili, puis, dur, Mesbeket, Kinteliodan, bah, Chilo, a fait un an de la fin. Salut, tant. Bon, comme ça, on tombe de ce glas, on tombe plus blair, vraiment, on ne blaye aux autres déjà, mais les autres cas, c'est dû au labour de Vigla d'Orvro. Aziz, on dravote. D'Ascoyer, Baguarek, zo bezav d'or Gevridiges, ne sku gwal belzo, et Vigla d'Orvro, et de glad bar ou ze Guarek, a de djentan vos labour à David Nilis, puis dur zo ezam d'or labour, yo war Nilis. À l'Erez, au Gret Strolad ou Dis, vel d'Asquire, Balaniscad, vide Chapel Ross Kelfen, Melion, donc vide Nilis, à Batre Malgat, vide Nilis, à Zézomod, hein, Queltud, au Labour, à Juide, War Glad. À Vichon Montan, War Glad, Bulat, zo Waddigor de VNDL, Radigor, Pelarin Mot, leur chapel Zanjoge, on tombe chapel Vienna, Batro, Bourkos Bulat, hag chapel ze oa chapel de cerise de gogel hag zo biro de bar ouz bulat ar a war dro vraiment hag brom ratien pe de bed un tam chapel ze a zo moyen d'or tro ou bar ze ar vest ou pe tro ou dis ne ke gwal roaz hein, med jon je meus bouzon ne dovej ba chapel ze ne ske ma sen zo pempe ouer la sou vision ma bulle à droite Gevridig es Kleyer Bulad zo hon de ze zer deran e virad tiempenin digor un dougor lever pelarinda ma de ze zo lutrin a galak hag un dougor lever ze zo or po de zbro de zbro Gwenedour pelarin mod oa be kizel gant Paul Chamaillar de zrostren hag eus o bru de tre un tamm eo pe bler a Brovrans a neus ezem de voudra tiempenet un tamm vichon moa war dach en klad droaz bo ne ketien ma trist oare ne veso eet den an an Jean-Michel Gilcher on den a neus labour e kalz war ze venad ur breiz gant eo babla perzek a gant sen eo a kant an daoula hag kalz e draoù neus gred un pa di amzor bon e zo bet o nan deus re neus krou de CRBC ba Brest me an arve de dra istol vi de la bon neus gred war dro un dans war un dans ou breiz hag o pez lever oa pez skrive gantan war un dach en zem hag Jean-Michel Gilcher gant ivrek ye de film an dud de o tans al war ar mezioù a jonge je meus oan bet am film an meus ut koz o tans al vano gerdin de houls moa eis pe nobla a me jonge ma de se oa ze man de hamera ze oa on e venti evidom tout hein. Bon hag hiver naik graviar neus der edor lab ur wailer hag gwell moa bewen chilo ur brezeg en pempeur ur lasso war en dach en zin ganti vez en amzor gontandar de skol botoa de smirdi skol hag az eo eget diskwezadeg ou hag o bern trau ka e bem devetud o vond a skolidi e de skolajou hag blan me vo gret un diskwezad ag neve oaz war mer godenou hag vo digor et prestig diskwezad ag ze ba mirdi botoa hag an se halon dun montevelet Vez eo ya kontor an dar de komp zo meus tar deja de skerf kelti eg rostren zo be krou et dega trug en lasso apres ti vo gret an arves neve vid lidan en dea blaz neus ket gwell bel zo vid chom an tamm war ma meus tachen oa bet c'horo eo d'ur prizioù evit dazan ar brezhonek. Ugen la sov eo greze, gant e fer tri hag rand vro breiz. Hag blam e de Yann Tiersen a di vre gemili kinkis oa bet c'horo eo priz brezhonek er bla. Bon, un daouzen eus ket brezhonek vel rakal je dud. Non ar c'hwermis, met set reel n'inke brudet. Mi meus plij etin pez neus laret Yann Biger ar eso skrivanier deus bro vigouden neus gret o lever war Barabas ur zel neve war un aferze hag neus gret an tamm prezegant pe neus bedi briz hag oa plij just on den fentus a l'un esperet gwell pezi anan me bravo ya bon vichom un tamm war dach en e brezondek On agrégat dur brezon neuk vo krou et prestik, on agrégat dur eze, on agrégation. Hag waran ket ma eon dravoad pepetar vid kelena dur eze ur brezon neuk ma trezen, ma ve post au. Bon. Hendel, vid chom war dachen ur brezon neuk ur oued ad Helen, zo babro Europa vid labour ad vid ur Yezou gwasket, un scrive de Rezo Kazmond de président de République Vigoulgant et ma wenjonge de Rondra Benek et de Yezou Gwasket et Veller Brezondek de dou Douderez au Warang, Nemet de Marine Le Pen, puis Marine Le Pen, Zlar et déjà. Mahef et Warren Drone d'Agobert, Distruche et Randroyou. Ag, et Veljust, Yezou, Guasket. Bon, c'est un temps de spéciaux Neve Bavro, Ag, Benavigel, Volar et Roas. Kenoiri. Ya, Tinon Morgane.